eucalyptus globuleux. Bar céréales quinoa. Quinoa en vrac, pré-emballé, soufflé. Ginseng, puissant en lit. Pâte de fruits en grains, mille pertuis. Ginseng, fucus. Pénis de phoque, pénis de phoque, pénis de phoque. Eucalyptus globuleux. Finish the fuck, finish the fuck, finish the fuck, finish the fuck, finish the fuck.